Et aussi, c'est important pour moi qu'on sente qu'on fait une équipe ensemble quand on travaille ensemble, que je sais que vous êtes avec moi là-dedans, puis moi je suis avec vous autres, on travaille ensemble. Prêt? OK. Nous tournons ensemble dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, c'est ce que nous sommes rendus ce matin. Nous avons vu les quatre premiers chapitres et on est en train maintenant de vouloir continuer cette étude-là dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 1 qu'on va être ce matin. Je vais résumer pendant une minute ou deux ce qu'on a vu jusqu'à date, dans les quatre premiers chapitres. Nous avons étudié, et ça a fait peut-être des douleurs, ça a fait peut-être comprendre mieux qui nous étions. Nous avons étudié quel est l'état de l'être humain en tant qu'être humain. Nous avons vu que l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit qui l'a inspiré, nous a décrit comment Dieu percevait l'être humain. Nous avons tous des impressions comment l'être humain est. Nous pensons à l'être humain d'une certaine façon. Nous pouvons nous faire dire, quelqu'un qui m'a dit cette semaine, ça devient fatigant de toujours se faire des compliments. Mais qu'est-ce que Dieu pense de moi en tant qu'être humain? C'est ça qui est le plus important. Je ne dis pas que ce n'est pas important d'avoir des compliments. Oui, c'est bon, c'est fun d'avoir des compliments. Mais qu'est-ce que Dieu pense de moi en tant qu'être humain? Et l'apôtre Paul, dans chapitre 1, verset 18, jusqu'au chapitre 3, verset 21, il nous a décrit que l'être humain devant Dieu était inexcusable, un pécheur invétéré. Il dit, « Tous sont sous l'empire du péché. Il n'y a pas un qui fasse le bien. Tous sont pervertis. Il n'y a pas même un seul juste parmi les êtres humains. » Vous vous souvenez de Sodome et Gomorre, quand Abraham dit, « Seigneur, tu ne vas pas détruire la ville. Il y a peut-être 50 justes, 40 justes, 30 justes. » Finalement, il dit, « Tu en trouves un. » Dans deux grosses villes, il n'y avait même pas un. Pensez pas que Lot l'était. Lot était sauvé à cause d'Abraham, non pas à cause de sa justice personnelle. Il n'y en avait pas. Et si on mettra aujourd'hui tout le Québec, Dieu dira la même chose. Il n'y en a pas un. Ça, c'est l'être humain. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que la psychologie dit, peu importe ce que les livres de pensée positive peuvent dire, peu importe ce que vous pensez de vous-même, Dieu a dit, l'être humain, il est perdu jusqu'à l'os. Il n'y a rien à s'attendre de lui par rapport aux choses de Dieu. Ça fait mal de se faire dire ça. Ça fait mal, parce qu'on a tendance à vouloir se regarder et se donner une valeur par ce qu'on est. On a une valeur seulement par ce qu'on est devenu en Jésus-Christ. Et ensuite de ça, on a vu qu'après ce nuage noir, hein, on a vu qu'il y a eu le soleil qui est sorti, et l'apôtre Paul a dit, « Mais Dieu a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour sauver les hommes. » Dieu a offert son sacrifice en propitiation. Le mot propitiation veut dire pour calmer la colère de Dieu, pour apaiser Dieu, parce que Dieu est en colère contre l'être humain. On dit ça souvent, on s'est converti. La colère de Dieu est sur toi si tu ne t'es pas repenti. Donc, ça veut dire que Dieu est en colère contre la race humaine. Parce que la race humaine a péché contre lui, il l'a diffamé, il l'a déshonoré, il l'a rejeté, a fait fi de lui. La race humaine, il a retourné le dos dans le paradis. Il a dit, on ne veut rien savoir de toi. On part par là, puis on s'en va avec Satan, parce que lui me dit que je peux être mieux si je suis lui. Et après, Jésus a dit quoi aux Juifs? Vous avez pour père maintenant le diable. Parce que vous avez décidé d'obéir au diable au lieu de m'obéir à moi, que vous avez dit, mangez pas de la pomme ou de l'arbre, et vous allez mourir. Et vous avez dit, t'es menteur. Satan nous dit la vérité, et on suit celui-là maintenant. Quel affront à Dieu, n'est-ce pas? Quelle diffamation l'être humain a faite à Dieu. Et vous étiez tous là, en Adam, et vous avez fait la même chose que lui. Et l'apôtre Paul, il dit, maintenant, on peut être justifié sans les œuvres de la loi. Maintenant, on peut être déclaré juste par Dieu, malgré tout ce qui a été dit. Vous pouvez être déclaré Dieu juste si par la foi, vous croyez en Jésus-Christ. Sinon, on a vu ça au chapitre 3. Et ensuite, ça, il donne deux exemples. On a vu au chapitre 4. Un exemple avec Abraham et un exemple avec David. Voici deux hommes de l'Ancien Testament qui ont été justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Abraham il a démontré qu'Abraham avait été justifié avant la circoncision sans aucune œuvre. Dieu a imputé à Abraham la justice à cause de sa foi. Et non pas à cause de sa vie, non pas à cause de ses œuvres, non pas parce qu'il allait à l'église, pas parce qu'il lisait sa Bible, pas parce qu'il priait, pas parce qu'il évangélisait, parce qu'il avait la foi. La foi. La foi en Dieu. Dieu a dit, vas-y, il l'a cru. Dieu, tu vas avoir un fils, il l'a cru. Dieu dit, va le tuer, il l'a cru. Dieu dit, il va ressusciter peut-être, il l'a cru. Il a tout cru ce que Dieu avait dit. Et Dieu dit, maintenant que tu as la foi en moi, je t'impute la justice. La justice. Quelle chose merveilleuse de penser que les êtres humains que nous étions ont été déclarés justes par Dieu. Comme s'ils n'avaient pas péché. On est aussi juste aujourd'hui que Adam dans le paradis, ou avant qu'il pêche. On est aussi juste aux yeux de Dieu, parce que la justice est dans notre compte de banque céleste. On est aussi juste. Et quand on était justifié, c'est ce qu'on voit ce matin, quand on était justifié, il s'est produit quelque chose en nous que souvent, en tant que chrétien, on ne s'arrête pas pour y penser. On n'arrête pas pour comprendre qu'est-ce que ça a voulu dire pour nous, le fait de passer d'injuste à juste. Que Dieu nous a déclaré clairement, ouvertement, « Tu es maintenant juste à mes yeux. » Qu'est-ce que ça implique dans notre vie? Quels changements radicaux il y a eu dans notre vie à ce moment-là? Nous, on pense souvent, « Ah, j'ai été sauvé, je m'en vais au ciel, mais je meurs. » Mais ce n'était pas dans la tête de Dieu comme ça. Il y avait beaucoup plus que ça d'attaché à la justice. Et on va voir ce matin les effets d'avoir été justifié. Les effets qui ont eu lieu instantanément entre Dieu et nous. Il s'est passé de quoi? Ça a changé notre éternité pour toujours. Moi, je vous le dis souvent, hein, il y a eu plus de changements au début quand j'ai été sauvé, à l'instant où j'ai été né de nouveau, il y a eu plus de changements là que tout le restant de l'éternité. Il va se passer. Beaucoup plus de changements en une petite seconde quand Dieu a dit, « Je te fais naître de nouveau maintenant et je t'établis comme mon enfant dans mon royaume. » Et t'es maintenant né de nouveau et t'es juste à mes yeux. Ça a changé plus que tout le restant va changer. Et des fois, on s'arrête pas pour y penser, pour voir qu'est-ce qui m'est arrivé le jour où est-ce qu'on m'a déclaré juste. Vous savez, quand Moïse est sorti de sa prison, ils sont venus le chercher, puis ils l'ont pris par une baillette de 12 pieds, pas y toucher, parce qu'il ne va pas toucher un juif. Les Égyptiens voyaient les juifs comme des sales. C'est pour ça que quand ils sont arrivés en Égypte, ils les ont envoyés dans un petit coin quelque part. Ils ne voulaient pas être avec eux autres. Ils ne voulaient pas les côtoyer. Mais ils ont voulu qu'ils lavent, puis ils l'ont tout rasé, parce que les Égyptiens se rasaient, puis les Juifs ne se rasaient pas. Il y avait toute la barbe, tout ça. Puis ils ont tout rasé. Ils l'ont pas parfumé, ils l'ont habillé, puis ils l'ont emmené. Quand Joseph a sorti de la prison, puis qu'ils l'ont emmené à la cour royale, sa vie a été changée pour toujours. Il s'est passé de quoi, là, pendant qu'il est sorti de la prison et qu'ils l'ont emmené devant Pharaon? Et Pharaon l'a établi comme étant le père d'Égypte. Sa situation venait de changer, de prisonnier à père d'Égypte. Et sa vie n'a jamais pu être la même. Il se faisait fouetter avant. Après ça, il avait l'autorité suprême de tout ce qui se passe en Égypte, excepté Pharaon. Mais voyez-vous tout le changement qui a eu lieu? Quand vous lisez l'histoire de Joseph, c'est ça qui se passe. Quand vous lisez l'histoire de l'enfant prodigue, quand il passe de sa vie, il était avec les cochons dans la merde, il est sorti, quand il est arrivé chez son père dit « Je te pardonne ce qui s'est passé là », et son père il a dit « Maintenant, je te reprends comme fils », sa vie a changé radicalement, totalement. Il n'était plus dans la même situation. De rien qui était avant, de rebelle qui était, Dieu lui a dit maintenant, je te pardonne. Son père lui a dit, je te pardonne, je te donne une belle anneau, je te mets des belles sandales aux pieds, une belle robe, ils ont fait un festin, maintenant on est dans la joie. On oublie le passé. Et voici maintenant qu'est-ce qui se passe pour toi dans l'avenir. Si vous lisez l'histoire de Paul, vous allez voir la même chose. Paul, pharisien né de pharisien, quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, en une petite seconde, sa vie a changé du tout au tout. Il n'y a personne qui reconnaissait ce gars-là après ça. Tout le monde disait, « Ah, c'est le tueur de chrétiens, il est devenu un prédicateur, qu'est-ce qui s'est passé? » Sa vie, elle a changé. Il s'est passé quoi là, dans sa vie qui a changé la vie de cette personne-là? Si aujourd'hui, j'ai fait l'exercice ce matin, vous le ferez, si cet après-midi, vous arrivez chez vous et quelqu'un qui frappe à votre porte et qui vous donne 10 millions de dollars, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie demain matin? Là, je parle humainement parlant. Ça changerait-tu de quoi? En tout cas, ça en changerait beaucoup pour moi. Mais quand j'ai été sauvé et que Dieu m'a déclaré juste, qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que des choses qu'on pourrait apprendre qu'on ne sait pas encore? Oh, je vous garantis quoi? Dieu a fait beaucoup plus que vous pouvez vous imaginer. Beaucoup plus. C'est pour ça qu'on est si triste, qu'on est si pogné à nos petites affaires de la terre. Parce que je suis avec vous autres, là-dedans, faites-vous en pas, moi tout, je suis à mes affaires de la terre. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas vraiment, on n'a pas découvert tout ce qu'on a reçu. On n'a pas compris tout ce qu'on était devenu. Fait qu'on s'attache encore, bien des fois, à nos petites affaires comme si c'était de l'or en barre. Mais c'est rien dans le fin fond de l'histoire. C'est absolument rien. Ça va tout pourrir. Ça va tout rester là. Hein? Ça va tout rester là. Ça va peut-être durer 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans. Après ça, c'est fini. Toutes les choses à lesquelles on s'est accroché si fort, ça va tout rester à terre, ça va tout être pourri. Ça, c'est fini. Mais ce matin, on va essayer de voir qu'est-ce qui est arrivé quand Dieu a dit, je te déclare maintenant juste. Déclare juste. On va voir les effets. On va voir les choses qui instantanément ont pris place. C'est par grâce qu'on a été sauvés. N'oubliez pas ça. On n'a pas gagné quoi que ce soit. C'est par grâce qu'on a été sauvés. Quand il nous a sauvés et que Jésus a dit, j'ai tout accompli pour François, c'était tout accompli. C'est fini. C'est fini. Chapitre 5. Chapitre 5, verset 1. Étant donc justifié par la foi. Oh, on arrête là. OK? Si tu n'es pas justifié par la foi ce matin, le restant ne s'adresse pas à toi. Mais si tu ne l'es pas, peut-être ce qu'on va voir va donner le goût de vouloir l'être. J'espère. Mais il s'adresse à cette. Étant donc justifié. Si tu fais, tu ne sais pas faire. Le verset nous dit quoi? Étant donc justifié par la foi. C'est dans le passé. Hein? Étant donc justifié par la foi, voici ce qui nous arrive. Voici ce qui est la suite. Voici ce qui s'est passé. Mais si tu n'es pas justifié par la foi, ça ne peut pas arriver dans ta vie. Il faut que ça soit précédent. Étant donc justifié par Dieu, étant déclaré juste par Dieu, il y a un paquet d'affaires qui ont suivi. Un paquet d'affaires qui ont suivi. Si tu as signé le contrat, il y a une dizaine de pages écrites en petit, qui vont arriver par la suite. Et là, on va essayer de notre loupe, on va essayer de voir quelques-unes des lignes pour voir qu'est-ce qui arrive dans le petit. Et de se réjouir ce matin de ce que Dieu a fait dans notre vie, le jour où il nous a justifiés. Justifié. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais si tu n'es pas justifié, si tu penses que tu n'es pas justifié devant Dieu, j'espère que ce qu'on va voir va te donner le goût de vouloir l'être. Premièrement, il dit, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. On va arrêter là, on va faire un bout à la fois, on va aller jusqu'aussi loin qu'on peut aller d'ici 11 heures. Première chose qu'il nous dit, il dit, c'est, nous avons la paix éternelle avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. C'est le premier effet. Maintenant que tu es juste, tu es en paix avec Dieu. Il ne dit pas avec ta femme, il ne dit pas avec ton mari. Il ne dit pas avec ton confrère. Il ne dit pas avec ta soeur dans le Seigneur. Il n'a pas dit ça. Ce n'est pas ça qu'il parle ici, non. On va s'arrêter là, juste pour ce qu'il dit ici. Tu as la paix avec Dieu. Nous avons, pas nous devons mériter la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu pour toujours. Nous sommes en paix avec Dieu. Parce qu'il avait dit avant, nous étions des ennemis de Dieu. Nous étions en guerre avec Dieu. Il va en parler un peu plus loin, dans chapitre 5, verset 10. Là. Nous qui sommes ennemis de Dieu. Maintenant, il dit, vous êtes en paix avec Dieu. Souvent, on s'est fait dire, quand on était jeune, dans le monde, ou en tant que catholique, on disait que Dieu était venu pour faire la paix dans le monde. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il a manqué son coup anti-paix. Hein. Parce que c'est la guerre partout. C'est la guerre des maisons, c'est la guerre entre les couples, c'est la guerre avec les enfants, c'est la guerre dans la rue, c'est la guerre avec les polices, c'est la guerre... C'est partout, c'est la grandeur du globe, c'est la guerre. Il n'est pas venu faire la paix entre nous. Il nous fait la paix entre Dieu et nous, parce que nous étions en guerre avec Dieu. Il dit, maintenant que tu es juste, la paix est là pour toujours. Elle est inébranlable. Elle ne peut pas changer cette paix-là. Tu sais, nous autres, quand on avait la vie, et en fait, ils avaient fumé le calumet de paix, hein? La paix. Puis quelques temps après, ils sortaient la hache de guerre, ils déterraient ce qu'ils disaient, l'expression, on déterre la hache de guerre. Puis là, ils recommençaient. Je ne me souviens pas qui avait dit ça. Il dit, pendant qu'ils ont fait, ils ont fumé le calumet de paix, il y a une gang qui chargeait le fusil en arrière, puis quand ils ont fini ce calumet, ils ont sorti leur fusil. Et la guerre a commencé, c'est tout, mais les traités de paix sont faits pour être brisés, qu'on dit, par les êtres humains. Mais avec Dieu, c'est pas pareil. La paix que tu as reçue en devenant un croyant, en étant justifié, c'est une paix durable, une paix éternelle, une paix qui ne peut pas changer, qui ne peut pas être altérée jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, par ce que tu peux faire ou ne pas faire. Ça ne va jamais changer la paix que tu as avec Dieu maintenant. Souvent, les chrétiens, on va entendre, « Ah, oh, j'ai plus ma communion avec le Seigneur, j'ai perdu ma communion avec le Seigneur, il n'est plus en relation avec le Seigneur. » Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça? Parce qu'ici, il dit bien que j'ai la paix avec le Seigneur. Est-ce que je peux perdre cette paix-là? Est-ce que je peux redevenir son ennemi tout d'un coup sec? Parce ce que j'ai fait ou ne pas fait? Est-ce que tout d'un coup, il dit, « Ah, tu n'as pas fait ce que tu avais fait cette semaine, donc je suis plus en paix avec toi, je me retourne le dos puis j'attends que tu le fasses. » C'est pas Dieu, ça. Dieu n'est pas comme ça. Moi, je suis comme ça avec ma femme des fois, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est en paix avec moi parce qu'il m'a justifié. Et la paix qu'il a accomplie ne dépendait pas de moi en rien. Je ne peux pas changer. Je n'ai rien fait pour qu'elle soit là, cette paix-là. Parce qu'il dit quoi après? Cette paix-là existe par... Oups, pas bonne place. La paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ que nous devons d'avoir eu par la foi accès à la grâce. C'est à cause de Jésus-Christ que la paix est entre moi et Dieu. C'est lui qui a fait la paix entre moi et Dieu. Moi, je le crois tout simplement. Oui, moi, je n'ai pas fait la paix. C'est lui qui a fait la paix entre moi et Dieu. Et moi, je crois que Dieu, Jésus, par sa mort à la croix, il m'a justifié. Et de ce fait-là, j'ai la paix avec Dieu maintenant. Ça ne dépend pas de moi. Moi, j'ai cru qu'il avait fait ça. Donc, je ne peux pas altérer quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne peux pas changer quelque chose que je n'ai pas fait. Ce n'est pas moi qui ai gagné la paix. Ce n'est pas moi qui ai fait la paix. C'est Jésus qui a fait la paix entre Dieu et moi. Par sa mort à la croix. Il faut bien comprendre ça. Donc, je ne peux pas l'altérer. J'ai une paix continuelle avec Dieu. Je ne suis plus jamais en guerre. Je ne suis jamais, jamais en guerre avec Dieu. Je finis ça. C'est dans le passé pour moi. Ça veut dire qu'on ne pêche plus. Ça veut dire qu'on n'est plus en guerre. La paix est faite. Parce que la paix avait été brisée par le péché. Et le péché a été réglé. Donc, il n'y a plus rien qui peut faire la guerre. Le péché était réglé entre moi et Dieu. Les péchés que j'avais faits hier, les péchés que j'avais faits ce matin, ils ont été réglés. Donc, vous êtes encore en paix. Parce qu'ils avaient été réglés. Même le péché que tu ne te rends pas compte que tu as fait, même le péché que tu n'as pas demandé pardon pour ça, tu es déjà réglé ce péché-là. C'est déjà réglé. Vous croyez ça comme moi? C'est déjà réglé, oui ou non? Si ça n'a pas été réglé, une chance, vous n'êtes pas mort parce que vous êtes dans l'enfer. Hein? S'il y avait un péché dans votre vie qui n'est pas réglé avec Dieu, dans le sens que de régler de façon justice, si vous mourrez dans cette heure-là, c'est fini pour vous autres. Les péchés ont été réglés une fois pour toutes en Jésus-Christ. Une fois, il nous a amenés à la perfection pour toujours. Donc, c'est réglé une fois pour toutes. J'ai la paix avec Dieu et je n'aurai jamais plus la guerre avec Dieu pour l'éternité. C'est fini, ça. C'est réglé. Donc, quand vous péchez, oui, il faut le reconnaître. Oui, il faut en parler avec Dieu. Mais ne pensez pas que maintenant, il est en guerre. Ne pensez pas que vous avez perdu la paix maintenant. Parce que ça a déjà été réglé par Jésus-Christ. Combien de fois je vois, des fois en tant que chrétien, nous jugeons les autres parce qu'ils ont péché. Pareil comme si, tout d'un coup, là, il y avait une relation qui se fait, quelque chose qui n'a pas marché. Pareil comme si nous autres, on n'a pas fait. Pareil comme si on est plus saints que les autres. Non, non, non, non, non, non. Ton frère ou ta sœur que tu vois là, qui a un péché dans sa vie, qui travaille avec, qui lutte avec, fais-toi-en pas, il est aussi en paix avec Dieu que toi, tu peux l'être. Autant, il est en paix. Parce que la paix, il l'a obtenue à cause de Jésus et il était justifié. Donc, nous sommes en paix avec Dieu pour l'éternité. Nous l'avons eu. Il nous l'a donné et c'est merveilleux de voir ça. Une deuxième chose qu'il dit au verset 2, Nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Donc, nous, depuis que nous avons été justifiés, nous avons accès à la grâce de Dieu. Au chapitre 3, verset 23, il nous disait qu'on était privé de la gloire de Dieu. On ne pouvait pas se présenter devant Dieu. On était privé de voir la gloire de Dieu. Et dans la gloire de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Parce que qu'est-ce qui fait sa gloire? Une des choses qui fait sa gloire, c'est sa grâce. On était privé de la gloire de Dieu. On était privé de sa grâce. On était privé de sa présence. On était privé d'avoir accès à lui. Maintenant, ils avaient été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Vous avez accès à la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a accès à la grâce, il ne peut pas être condamné. Si le juge qui est devant toi, il va te gracier, tu as accès à sa grâce, ça veut dire que tu n'iras jamais en prison. Tu n'es jamais coupable. Parce que tu es sa grâce. Il dit, tu as accès à sa grâce maintenant. Avant ça, tu avais le droit juste à sa condamnation. Tu avais le droit à sa colère pour te détruire parce que tu es un pécheur. Maintenant, tu as accès à la grâce et donc tu es maintenant dans la grâce de Dieu. Tu es entouré de la grâce de Dieu. Tu es dans sa grâce. Je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais tu fais partie de ça. Je vais lire un verset qui était peut-être un petit peu nouveau pour vous autres. Je vais le marquer là. Jean 14, j'ai une interprétation un petit peu différente peut-être de ce que vous avez entendu. J'allais l'entendre à travers les années, c'est pas grave. Si vous pensez que la mienne n'est pas bonne, laissez-la tomber à terre, gardez à vous. OK? Jean 14, quand votre cœur ne se trouble point, il dit ça aux disciples, il venait de leur dire qu'il s'en allait, t'as pas mourir. Il dit, quand votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous ai préparé une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est vrai, ce texte-là est employé pour nous parler que Jésus nous a préparé une place ou est en train de préparer une place dans le ciel puis qu'un jour on va y le rejoindre là. Personnellement, je ne l'interprète pas comme ça le passage. Je pense que Jésus est en train de leur dire, c'est parce qu'il venait dire à Pierre, « Pierre, tu ne peux pas venir avec moi maintenant. Et tu vas venir avec moi plus tard. » Je ne sais pas qu'il est en train de dire à Pierre, « Mais tu vas mourir et tu vas venir me rejoindre. » Il est en train de dire à Pierre, « Tu ne peux pas venir maintenant parce que tu n'es pas prêt maintenant. Tu vas me renier dans quelques temps. Dans quelques minutes, tu vas me renier. Tu ne peux pas venir avec moi maintenant. » Mais il dit, « Je m'en vais. Je m'en vais te préparer une place auprès du Père. Et quand je vais l'avoir préparé, je reviens. Et là, tu vas être avec moi lorsque je suis. » Il ne parlait pas de sa mort, il parlait de sa nouvelle naissance, il parlait du moment où le Saint-Esprit était pour venir en lui. Il dit, maintenant tu as accès au Père comme moi, tu es en présence du Père avec moi. Tu es en même place que moi. Éphésiens 2 le dit autrement. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons maintenant accès auprès du Père, où est-ce que Jésus est. Jusqu'où est Jésus présentement? Il est auprès du Père. Donc nous avons accès auprès du Père, nous sommes avec lui. Maintenant, dans la présence du Père. C'est ça qu'il voulait dire. Quand il dit « je reviens », juste après, il dit « je vous ai pas laissé orphelin, je reviens par le Saint-Esprit, je vais habiter en toi. » C'est ça qu'il parle, je crois. Pas d'une place à quelque part que Jésus est en train de bâtir, puis là, c'est pas encore prêt, donc il revient pas. Il ne faut pas penser qu'il est en train de faire des cabanes à quelque part, là. C'est encore ma compréhension. Pierre, à cause de son état, il n'avait pas accès à la présence de Dieu. Il dit « mais moi, je m'en vais, je te prépare une place par ma mort, par ma résurrection, je vais préparer une place, je reviens par le Saint-Esprit qui va habiter en toi, et maintenant tu vas avoir accès à la présence de Dieu, tu vas être avec moi dans la présence de Dieu. » L'apôtre Paul dit ça dans Éphésiens 2 à nos places, il dit, « Vous êtes assis maintenant en Jésus-Christ à la droite de Dieu. » Nous sommes déjà dans le ciel avec Dieu, avec Jésus-Christ. Nous avons accès à la présence de Dieu, là où est Jésus. Si Dieu est là, Jésus est là, moi je suis avec lui, donc... Il dit ça dans Jean 4, il dit, « Je vais faire ma demeure en toi. » Le Père va faire sa demeure en toi. Le Saint-Esprit va venir en toi. Donc la Trinité est là, j'ai accès à Dieu, je suis en présence de Dieu avec le Fils dès maintenant, dès ma nouvelle naissance, dès que j'étais justifié. Donc, j'ai accès à la grâce de Dieu. J'ai accès à la gloire de Dieu. Imaginez-vous. Dieu n'a pas juste dit, « Oh, je fais la paix avec toi, là, mais on se reverra. Hein? On se reverra. » Parce que moi, quand j'entends dire souvent, « Oh, on s'est séparés, mais on s'aime tellement pareil. On est encore des grands amis, mais on n'est plus qu'à vivre ensemble. » Je trouve ça drôle qu'ils disent ça, moi. C'est comme si Dieu me dirait, « Moi, François, c'est réglé l'affaire, là. Ton affaire de péché, j'ai réglé ça, mais... » Tu sais, c'est une distance. Mais non, Maintenant, j'ai accès à Dieu. J'ai accès à Dieu. Ce que je n'avais pas avant. J'étais privé de la gloire de Dieu avant. Maintenant, j'ai accès. Imaginez-vous, j'ai accès à Dieu. Moi, ça me dépasse des fois. J'ai accès à Dieu. Je me dis, ouais, j'ai accès à Dieu. Bon, Dieu est là. Je peux y parler n'importe quel, n'importe où. J'ai accès au Créateur de ce monde. Ça, des fois, ça me renverse complètement. Ça me renverse complètement. Il y a des gens qui ne veulent pas me voir des fois. Il y a des gens que je ne veux pas voir non plus. Mais Dieu me reçoit toujours. J'ai toujours accès. L'accès n'est jamais bloqué. Ce n'est pas à cause que vous avez fait un péché que l'accès est bloqué, tout d'un coup sec. Mais non, le péché a été réglé. Vous êtes juste, vous avez accès. Le chrétien est toujours juste, donc il a toujours accès. Si vous n'étiez plus juste d'un coup sec à cause que vous avez fait un péché, ah, je suis plus juste, donc j'ai plus accès au Père. Comment vous allez faire? Vous y parlez si vous n'avez plus accès. Comment vous allez faire? Vous priez si vous n'avez plus accès. Comment vous allez faire? Vous lui demandez quelque chose si vous n'avez plus accès. Vous avez toujours accès à la gloire de Dieu, à la grâce de Dieu. Et ça, c'est merveilleux pour nous autres, les frères et sœurs. On n'a pas besoin d'avoir peur. Dieu, on a un accès illimité, continuel, éternel à sa présence. Et là, on y trouve la grâce aussi, comme d'autres attributs. Donc, nous avons cet accès-là auprès de Dieu. Nous avons la paix. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est nous avons accès. Accès à la grâce. Accès à Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Maintenant, nous avons accès avec Dieu. Nous avons accès à la grâce de Dieu. Nous avons accès à tout ce que Dieu a. Hein? Nous avons accès à tout ce que Dieu a. Tous les attributs de Dieu. Nous avons accès à Dieu. Ici, il mentionne la grâce, mais on peut le compléter en disant, j'ai accès à Dieu complètement. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il est en train de faire, j'ai accès à Dieu. Je peux aller me coucher avec lui n'importe quand. Je peux aller dans sa présence. Et que ça fait du bien des fois. Quand tout va mal. Quand tout ce que le monde est autour de nous autres, ça viraille. Quand dans notre tête viennent des idées folles, des idées pervers. Ça fait donc du bien de pouvoir aller vers Dieu et dire, oh Seigneur, si je ne t'avais pas, qu'est-ce que je ferais? Des fois, je sortirais peut-être mon fusil ou ma carabine. Hein, quand ça ne va pas, quand ça ne va pas. Et donc, merveilleux d'aller s'asseoir à son petit coin, puis d'aller s'asseoir, puis de parler avec Dieu. J'étais avec un homme cette semaine, un pasteur, comme deux semaines. Il m'a dit dans sa vie, il dit, ma plus grande lutte dans ma vie chrétienne, c'est la prière. Un pasteur d'une grosse église. C'est là que j'ai plus de misère, c'est dans la prière. Et j'ai fait une expérience avec lui. J'ai dit, tu peux faire une petite expérience avec moi? Il dit, oui, OK. On s'est mis à la porte, les deux. Puis j'ai pris une troisième chaise, puis je l'ai mis là. J'ai dit, parle-y, toi. Vas-y, parle-y. Dis-y. Il n'était pas capable de dire au Seigneur, j'ai de la misère avec toi, j'ai de la misère en prière, je ne marche pas mon affaire, ça ne marche pas. Il y a de la misère, il dit. Mais dis-y, là. Parle-y, tu as accès, dis-y ce que tu as à dire. Ça ne fait rien, mais tu penses que. Mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Hein? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? J'ai dit ça. Il sait déjà, avant que tu parles, il sait déjà ce que tu penses. Dis-y, ça va te faire du bien de dire. Dis-y. On a accès à Dieu. Puis on peut lui dire ce qu'on pense. Des fois, ça peut nous paraître complètement fou, mais dites-lui pareil. Il n'y a pas juste de mode folie, par exemple. Là. Des beaux moments où on peut lui dire des belles choses aussi. Hein? Hein? Comment ça marche bien? Mais, et la troisième chose maintenant, une autre belle affaire, à partir du verset 3, bien plus, bien plus, nous nous glorifions des afflictions. Wow, ça on aime moins ce petit bout-là. Hein? On se glorifie des afflictions. Lucie, dans ta Bible, c'est quoi? Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses. Wow! Nous, on voudrait qu'il passe vite, vite. Puis même des fois, on pense que le chrétien qui a des détresses, il a fait des gros péchés, certains prennent une détresse dans même lui. Il doit certainement avoir une vie de péché à quelque part parce qu'il est dans la misère, fait qu'il n'est pas un bon chrétien. Ici, il dit on est fiers de nos afflictions, selon la tradition à Lucie. Et nous, on dit on se glorifie même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La troisième chose que nous avons, c'est quoi? L'espérance. Nous avons l'espérance dans nos vies. Le moment où nous avons été justifiés, nous avons l'espérance maintenant. Et l'espérance, là, en tant qu'un bon vieux catholique, ça voulait dire quoi? Qu'on espère au ciel. On n'est pas sûr. Non, c'est ça. Regardez bien. Espérance non féminin, c'est le dictionnaire. Sentiment d'une personne qui espère une chose précise ou indéfinissable. Confiance en l'avenir. Un succès qui dépasse nos espérances. Il a abandonné toute espérance, contre toute attente. Théologiquement, l'une des trois vertus théologales qui consiste à s'abandonner à la grâce divine, la foi, l'espérance et la charité. Personne ou chose dans laquelle on espère. Vous êtes ma seule espérance. Espérance de vie, du moyen de vie. Un héritage sur lequel on compte, c'est un parti intéressant. Elle a des belles espérances. Dans le dictionnaire, ça veut toujours dire c'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est flou, c'est pas certain. Regardez en bas, espérer. Attendre quelque chose que l'on désire et dont la réalisation semble probable. Voilà. C'est ce qu'on a appris du mot espérance. C'est ce qu'on nous a dit dans nos églises anciennement. Quand tu espères quelque chose, ça veut dire que tu n'es pas certain que tu vas l'avoir. C'est juste probable. J'espère qu'il va faire beau. Hein? Ça veut dire quoi? On n'est pas sûr qu'il va faire beau. On espère qu'il va faire beau. Donc, mais dans la Bible, le mot espérance, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça dans la Bible, le mot espérance. Le mot espérance veut dire les choses certaines. Hébreux 11, verset 1, dit « La foi, c'est la ferme espérance des choses que l'on ne voit pas. » Dieu a fait des déclarations, Dieu a donné le plan de l'avenir, et j'ai cette espérance-là que ça va s'accomplir. Tout ce que Dieu a dit, ça s'en vient. Donc, j'espère dans l'avenir, les choses que Dieu a dites, elles vont s'accomplir. Ce n'est pas « j'espère ce que je pense », je ne suis pas sûr. On pourrait changer en français « je suis sûr ». J'ai une certitude, j'ai une confiance totale que ce que Dieu a dit va s'accomplir. L'espérance, ce n'est pas quelque chose qui peut-être va arriver, c'est une chose certaine qui va arriver. Dans la Bible, l'espoir, c'est Dieu a décrété des choses et voici ce qui va arriver. Et moi, j'espère ça. Ça veut dire j'attends ça. J'attends ça. J'attends ça. Ici, on nous montre que l'espérance est certaine, elle est assurée par, au verset 3, par la foi. Il dit, l'espérance va produire, les afflictions vont produire la persévérance, et les persévérances vont produire la victoire, cette victoire d'espérance. L'espérance ne trompe point, parce que, voici pourquoi, si j'avais une espérance basée sur moi, ou basée sur mes capacités, ou basée sur mes accomplissements personnels, je ne pourrais jamais être certain. Hein? Aussi que tu mets l'homme ou la femme dans le décor, il n'y a plus rien de certain. Mais l'espérance en moi ne dépend pas de moi. L'espérance est en quelqu'un d'autre. Il dit ici, l'espérance ne trompe point. Je ne me fais pas des idées. J'ai dit à quelqu'un cette semaine, j'ai dit, tu peux avoir la paix, c'est en mourant, mais ça peut être une fausse paix. Ça peut être une espérance trompeuse. Ici, le mot est employé là. Mais l'espérance qu'on a, elle ne trompe point. L'espérance que Dieu a mis en moi ne trompe point. Je ne suis pas en train de me conter des histoires. Je ne suis pas en train de me conter des idées. Elles ne trompent point. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par cet esprit qui nous a été donné. Pas l'amour de François pour Dieu. L'amour de Dieu est dans mon cœur et l'espérance qu'il m'a donnée, elle est certaine. Pourquoi est-ce qu'elle est certaine, l'espérance? Parce qu'elle dépend de l'amour de Dieu pour moi et non pas de mon amour pour Dieu. Il dit, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, on est convaincu par l'Esprit Saint que nous sommes aimés de Dieu. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour pour Dieu, premièrement. Pour Dieu, premièrement. Pas pour ma femme, pour mes enfants. Le Saint-Esprit va produire en moi une conviction que Dieu m'aime. Et à cause que je sais qu'il m'aime, mon espérance, elle est certaine. Et à cause qu'il m'aime, les afflictions deviennent quelque chose qui va m'aider à aller plus loin, non pas un obstacle. Je disais à ce même personnage sur mon email cette semaine, j'ai dit, mon cher frère, j'ai dit, quand tu souffres de même que tu as des difficultés, qu'est-ce que ça te pousse à faire? Il m'a répondu, j'attends que le Seigneur revienne pour régler toutes choses, mais il dit, continue, c'est ça. Continue à espérer. Parce que ce qu'il a dit va s'accomplir. Je vous garantis, moi, si c'est ça le paradis ici, on ne voudra pas aller l'autre bord. Mais les difficultés de la vie, mes frères et sœurs, qu'on veut tellement fuir, nous aident à persévérer pour un monde meilleur. C'est ça que Jacques dit. Regardez les sujets, les diverses épreuves comme un sujet de joie complète. Parce que c'est la même vérité qu'ici. Ils vont vous aider à être persévérants et à attendre le monde meilleur. Parce que si ça va si mal ici, on veut partir d'ici. Si c'est si difficile ici, si on est dans les ténèbres ici, si ça va mal ici, si c'est le prince des ténèbres qui règne ici, on veut s'en aller d'ici. On veut partir. Donc on attend l'espérance, elle est vivante, on veut s'en aller. Parce que c'est pas ici qu'on veut rester. On ne veut pas rester ici. Même si tu me donnes 10 millions, on ne veut pas rester ici, moi. Parce que c'est le bordel ici. C'est noir, c'est tout le monde des ténèbres, c'est. Qu'on veut, qu'on veut pas. Des fois, on a tous des petits peu des flashs dans notre tête, puis on pense que c'est, ça ne va pas se pire. Mais la Bible nous dit qu'on est dans un monde de ténèbres. Et le prince de ce monde, c'est Satan. Ça ne peut pas aller bien. On ne pourra jamais changer rien. Ça va finir de plus en plus mal jusqu'à temps qu'on parte. On ne peut pas améliorer la société dans laquelle on vit. On peut changer les corps par la vérité, mais on ne peut pas changer la société dans laquelle on vit. Ça va toujours rester une société de ténèbres. Et on veut partir d'ici. C'est pas que l'apôtre Paul dit, hein? Dans mon cœur, j'aimerais bien m'en aller et être avec Christ, ce qui est de loin le meilleur. J'aimerais bien partir. Mais mon espérance, elle est certaine, elle est vraie, elle ne me trompe pas, parce que l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit, est en moi, et il me convainc que Dieu m'aime. Malgré tout, ce que je peux faire de travers, vous savez, quand je fais des gaffes, et Dieu sait comment je peux en faire, le Saint-Esprit vient tout le temps dans mon cœur, parce qu'il est toujours là. Puis, il travaille fort, fort, fort, fort, fort. Il me dit, François, je t'aime quand même. Tout le monde est en train de me dire que Dieu ne m'aime plus, puis tout le monde me fait sentir que je suis quelque chose de pas correct, puis quelqu'un me fait sentir que je ne suis pas si parfait, que j'ai l'air, puis quelqu'un me fait sentir, c'est vrai, ça fait partie de la vie, ça. Mais il y a quelqu'un dans moi qui travaille fort, fort, fort, pour me dire, Dieu t'aime quand même. Ne perds pas ton espérance. Il va venir te chercher. C'est plus ou moins long pour chacun de nous. Mais il dit, un jour, il va venir te chercher. Et tu vas voir, mon petit Nalette, ça va bien aller. Ça va aller parfait. Ça va aller parfait. Parce que vous savez, les rêves qu'on a de l'avenir, ils viennent de Dieu, ils ne viennent pas de vous. Ils ne viennent pas de vous. C'est le Saint-Esprit qui nous fait rêver de l'avenir spirituel. Hein? Rêver de cet avenir, de sa présence de Dieu, d'être avec lui pour tout le temps. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse ça par l'intérieur. Pour qu'on puisse espérer tout le temps partir pour être avec lui. Souvent, je dis au Seigneur, quand je me couche le soir, si tu viens me chercher cette nuit, je ne me plaindrai pas. Je ne me plaindrai pas partout. Je vais bien prêt à partir, frère. Le monde n'est pas si beau que ça. On va bien s'en faire à croire. Le monde n'est pas si beau que ça. Et là, je suis bien prêt à partir. Mais, je dis au Seigneur, je vais rester le temps que tu voudras. Et je suis bien prêt à partir. On a-tu le temps, une quatrième? Ben non, c'est fini. C'est fini. On fera les autres plus tard. Il va nous en rester une quatrième, puis une cinquième. C'est tout. Il nous en reste deux autres. On va les développer la semaine prochaine. Si tu es justifié par la foi, tu as la paix avec Dieu. Tu as accès à Dieu. Tu as une espérance certaine. Tu as une espérance certaine. Et l'amour de Dieu est dans ton cœur par le Saint-Esprit. Ça, c'est inchangeable, c'est intouchable, c'est non transformable, c'est pas atteignable. Ça a été accompli par Jésus pour moi. Et je les ai devant Dieu. Donc, méditez là-dessus cette semaine. Méditez cette semaine. Et si tu n'as pas la certitude d'être justifié et d'avoir ces choses-là, parle à quelqu'un. Viens me voir, téléphone-moi. Parle avec un frère ou une sœur que tu connais. Et jase avec eux autres. J'aimerais avoir la paix avec Dieu. J'aimerais avoir accès à Dieu. J'aimerais avoir une espérance pour un monde meilleur. J'aimerais avoir l'amour de Dieu dans mon cœur. Parle avec quelqu'un. Notre Père du ciel, toi qui connais les cœurs de chacun, on se verse dans tes bras, on se donne à toi afin que tu puisses, par ton Esprit Saint, convaincre profondément nos cœurs que nous avons la paix, que nous avons la grâce, que nous avons accès à ta présence, que nous avons une espérance certaine, que nous avons l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ô Seigneur, merci que tout cela dépend uniquement de Jésus. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.